Jerem Spod. Comme un Guyanais, comme un Guyanais. J'casse la démarche comme un Guyanais. Ça te pull up si tu dois des sous. Y'a pas de floc que des fous. Chabine, Renoir, Ego, les foules. Get la dis-moi son paire de fesses. Et on parle même pas de ses insectes. Elle fait les bails trembler sur chaque basse. Belek, chaque coup de cale dit un gosse. Belek, deux secondes, finis le chef là. Demande à Coco comme elle est corsée. Vraiment, vraiment. On a la plus face si t'es un petit. Peut-être tu vas tousser. J'ai peut-être deux go sur le déco, une pause peine, une poule casser le dos. En soum soum gagne toujours une qui les flasque et nous pour de McDo. Comme un Guyanais, ouais, ouais, ça te pull up si tu dois des sous. Y'a pas de floc que des fous. Chabine, Renoir, Ego, les foules. Get la dis-moi son paire de fesses. N'en parle même pas de ses insectes. Elle fait les bails trembler sur chaque basse. Belek, chaque coup de cale dit un gosse. Belek, on a les bad gal, on a les tismes qui te font péter un câble. Bad gal indépendante, celle qu'on aime, celle qu'on dure pendant. Bien sûr, bien sûr. Big up à la bad boy, ça la café, l'agent salaud propre. Ça qui au fond bureau, et ça qui en baille au blanc. Comme un Guyanais, ça te pull up si tu dois des sous. Y'a pas de floc que des fous. Chabine, Renoir, Ego, les foules. Get la dis-moi son paire de fesses. N'en parle même pas de ses insectes. Elle fait les bails trembler sur chaque basse. Belek, chaque coup de cale dit un gosse. J'casse la démarche comme un Guyanais. Ça te pull up si tu dois des sous. Y'a pas de floc que des fous. Chabine, Renoir, Ego, les foules. Get la dis-moi son paire de fesses. N'en parle même pas de ses insectes. Elle fait les bails trembler sur chaque basse. Belek, chaque coup de cale dit un gosse.